Je trouve qu'il y a quelque chose qui est impressionnant, c'est comme on a joué vraiment dans plein de parties différentes de l'Allemagne, on a l'impression d'être dans plusieurs pays différents d'une certaine manière, parce que les ambiances, les atmosphères sont pas du tout les mêmes entre Stuttgart, Berlin ou Hambourg, ou Halle, Vienna. C'est assez rigolo. Ouais, assez délirant, parce que il y a vraiment des changements d'atmosphère, de gens et d'ambiance qui sont assez impressionnants. Ouais. Hier, c'était une atmosphère festive. C'est un peu party, une atmosphère d'une fête. Les gens ont dansé et vous êtes en stage sur scène très énergique, avec beaucoup d'énergie. Ouais. Et moi, j'aimais poser la question. C'était une atmosphère énergétique. Mais peut-être il y a un peu une atmosphère mélancolique dans les chansons. Et qu'est-ce que vous voulez exprimer avec votre musique? L'énergie, la joie de vivre, la mélancolie, le changement. Oh. Ouais, c'est vrai que quand on voit le concert, c'est quand même, c'est effectivement un moment assez joyeux, assez festif. Mm-hmm. Alors que d'une certaine manière, quand on se penche plus sur les textes, sur le propos, ça peut être quand même assez dur et assez noir dans un certain sens. Oui. Alors c'est vrai que sur scène, nous, on peut pas s'empêcher d'être vraiment dans un truc joyeux, mais qui parle aussi de choses moins joyeuses. Mais c'est presque comme une lutte. Par moment, c'est l'impression qui m'est restée après coup, que me disant, mais il y avait une telle presque comme une danse contre la tristesse, la mélancolie ou la dureté de la vie, tu vois, que quand on se met en énergie pour c'est le sens d'ailleurs de la danse n'est jamais purement joyeuse ou festive dans le sens superficiel du terme, mais c'est de se... Ouais, c'est vrai que c'est ça un peu un concert, c'est un peu un acte, quoi. C'est une décision prise de monter sur scène devant des gens et de soi-même se rendre présent à la situation. Et je crois que c'est ça qui se communique quand on est un groupe sur scène, à le faire à plusieurs, et qui peut être communiqué au public, et qui donne aussi cet intérêt du concert pour le public, quoi. C'est-à-dire que c'est un moment où tout à coup, petit à petit, on arrive à sortir un petit peu d'un circuit dans lequel on est en soi-même, circuit d'habitude, et on est dans l'observation d'autres choses. Et si les gens qui sont sur scène font acte de présence, et c'est communicatif. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se produit, et puis il y a une magie qui s'opère, quoi. C'est vrai que c'est un peu presque comme une danse tribale, quoi. Mais c'est ça le sens du live contre toutes sortes d'enregistrements, justement. C'est, ouais, c'est quelque chose qui s'enregistre pas, même si nous on va présenter cela à la radio comme là. Mais c'est des reflets, mais bon, on sent quand même une grande différence. À ce moment-là. Ouais, c'est toujours étonnant de voir comme il manque quelque chose dans un concert filmé ou. Ou dans un concert enregistré, il manque vraiment le fait d'avoir été dans le cheminement de cette danse qui, quelque part, est une transe. Souvent, on est étonné de l'ambiance d'avant-concert, où bon, il y a une certaine ambiance, où souvent il y a un certain calme, les gens sont dans une attente, et où à la fin, où les gens sont, on a l'impression qu'ils sont 10 fois plus nombreux, parce que ça parle, ça rit, les gens sont dans une activité, dans une ventilation d'eux-mêmes qui est beaucoup plus vivante, quoi. Et quand on sent ça, on se dit que on a touché, quoi. Et je crois, ouais, et au niveau des textes, c'est pas forcément que ce soit plus noir ou plus triste, mais c'est dans les textes, il y a peut-être des choses assez intérieures, et parce qu'au moment d'écrire, peut-être, on est aussi plus dans un retour à soi. Mais après, quand on le porte sur scène, et on est dans le fait de mettre le pied dans l'instant présent. Et c'est peut-être pour nous, en tout cas, la manière dont ça se manifeste, le fait de se rendre présent, c'est plutôt dans quelque chose d'éclatant et de coloré, quoi. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était la rapidité avec laquelle vous étiez en train de changer d'instrument sans arrêt. C'est absolument incroyable. J'ai rarement vu cela. Comment ça se fait? C'est un show millimétré. Non, c'est vrai que comme on change tous pas mal d'instruments, c'est un petit peu un tour de passe-passe par moment, quoi. Mais il y a des groupes qui font ça très bien, comme je sais pas si vous connaissez Fishbone, qui est un groupe de funk. Funk, je sais pas, funk hardcore, oui. Où il s'envoie, et le chanteur Angelo joue de plusieurs saxophones et il a un Roddy qui lui envoie les saxophones de derrière la scène. Mm. Alors ça commence au début, il lui apporte le saxophone et puis à 2 mètres il lui envoie, quoi. Mm. Et ça devient tout le jeu du concert, quoi. Au bout d'un moment, les saxophones traversent la scène, quoi, ouais. Avec des barytons énormes comme ça, et ils les jettent, ouais. Tu vois le saxophone, puis le bonhomme qui l'attrape, ouais. Et qui joue. Ouais. Peut-être que ça nous a influencé aussi de voir ça sur scène, ce côté un peu Mary Poppins.